Bonjour, j'avais fait une vidéo, mais le son était très mauvais. Je perds le fil des fois, il y a certaines choses que je voulais dire, donc j'ai pris des notes, mais c'est juste cinq lignes, des mots-clés. Donc, la vibration est effective. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, dernièrement, je suis allé chez l'optométriste, j'ai pris rendez-vous, ça faisait 12 ans que je n'y étais pas allé. Pourquoi? Parce que je suis pingre, c'est-à-dire je suis un petit peu séraphin. Vous l'avez peut-être remarqué ou vous ne le savez pas, ou vous allez l'apprendre là, j'ai une très très mauvaise vue. Je suis myope, astigmate, presbyte et j'ai un œil qui est mal formé. Et on m'a dit tout au long de ma vie que ma vue continuerait de descendre. Et bien, dernièrement, il y a des travaux, on va faire avec. Dernièrement, j'ai pris rendez-vous chez l'optométriste parce que je n'arrivais plus à voir comme il faut avec mes lunettes. Je devais les enlever pour manger. Je suis allé voir la même optométriste qui me suit depuis que je suis à la maternelle et elle me disait: Ah, oh, c'est normal à l'aube de la quarantaine, tu vieillis donc ta vue a encore baissé comme on le prévoyait. Et je lui ai dit: Selon moi, mes lunettes ne sont plus bonnes parce qu'elle a remonté. Et bien entendu, elle était sceptique. Eh bien, imaginez-vous que je suis encore myope, mais ma myopie est moins forte. Je ne suis plus presbyte, je ne suis plus astigmate et mon œil, étrangement, semble être en train de reprendre une forme quasi normale. Comment je me l'explique ça? Je me l'explique pas. Ça donnerait quoi? De toute façon, de façon générale, ma santé en vieillissant semble s'améliorer. Ma forme physique et puis tout semble s'améliorer, ma digestion et puis donc est-ce que je mets ça sur le dos du fait que la vibration est effective? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, je me fais critiquer. Il y en a que vous êtes pas vissé ici, vous pouvez aller voir ailleurs de toute façon. Mais non, il faut qu'ils viennent m'achaler. Eh bien, je vous dirai ceci. Le supramental, ce n'est pas un sujet. C'est un ensemble de phénomènes en partie psychiques. Mais ça couvre beaucoup de choses. Et vous saurez que je n'ai pas parlé encore sur cette chaîne-ci. Je ne me suis pas donné à la parole encore sur cette chaîne-ci. Je l'ai fait juste en tant qu'ego. Je jase. Donc, vous me critiquerez quand je parlerai ou vous critiquerez ce qui parle. Madame Durocher, notre chroniqueuse, Madame Durocher, s'inquiète pour ses enfants à ce que j'ai cru entendre dans un extrait de radio. Eh bien, il est un peu tard. D'où l'intérêt de suivre son intuition plus que son intellect parfois. Maintenant, il est trop tard, là. Il n'y a pas de retour en arrière. Et puis, c'est bien dommage, mais bon. Vous êtes 8 mois en retard dans les informations, madame. Un petit peu d'humilité vous siérait mieux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, il y a à peu près 4 ans, j'avais parlé. J'avais capté qu'il y aurait des massacres au pied de montagne et que ça coïnciderait avec la légalisation de toutes les drogues. Je vous mettrai dans la description un article du journal Métro où notre bon docteur Arruda recommande la légalisation de toutes les drogues. Et je vous mettrai, ça peut être plein de villes, mais je vous mettrai, tant qu'à faire pour coïncider avec l'actualité, une photo de Kaboul. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, c'est tout. Par rapport à ma vue, j'avais remarqué au cours des 2 dernières années que j'étais plus précis, que ça coïncidait aussi avec une meilleure forme physique. Je suis de plus en plus précis, de plus en plus rapide en vieillissant. Et ça, est-ce que je me l'explique? Non, je n'ai pas besoin. Je regarde ce que ça me dit et ça semble juste. Donc, merci, bonne journée.